avaré d'une vissée, comme un clou vissé. À force de boire la tasse, j'ai tout le temps envie de pisser. Plus je vieillis, plus le bon chemin me fait défaut, j'essaye de pas tomber. Pourtant la haine m'a creusé les os. La vie des rentrées, c'est une claque. Elle peut s'arrêter sur le bruit d'un clic de glock. Avant même que t'aies mis en cloque, ça part vite, les problèmes sont vifs, on les voit pas venir. Si pour vivre dans la propreté, tes mains doivent salir. Les coups on a appris à les encaisser très tôt. Cesser le traité, ça sent la mort sur les tréteaux. On s'en sera pris des droites, non on en aura mis aussi. S'il faut se lever pour la France, ma gueule, crois-moi je suis mieux assis. On compte même plus les coups de traquenard. Beaucoup braquent l'arme ou craquent l'âme pour le 4-4 d'un 4-4. Dans cette ambiance, comment ne pas finir écroué. J'avance avec la cheville cassée car le chemin est troué. Avant d'apprendre à pardonner, prends ce qu'on t'a pas donné. À point nommé, la poésie du pitch fume. J'suis paumé, tout en bas, j'regarde le sommet. J'nique la renommée, j'rappe les mots issus du bitume. J'm'en bats les couilles de rayonner. J'parle juste d'une vie d'avarie, d'un avenir qui me grillonnait, prisonnier. Ces souvenirs, tu peux pas gommer. Les moins raisonnés sont écroulés sous le poids des années. Tous incompris, t'entendras pas les trompettes avant la tromperie. C'est la tempête avant l'incendie. Des ennemis d'hier, aujourd'hui sont devenus des amis d'aujourd'hui, demain seront des ennemis. Et qu'est-ce qui reste quand tu fais le tri? Pas grand chose, les fils de parents pauvres pour le pif se parent tôle. Les avaries d'une vie dans le hall. Le poids du vide sur les épaules. Le spook me suit comme une ombre. Tout le temps présent. Surplombé par la haine. Le regard perçant. Jusqu'à ce que je termine avec elle sous une tombe. Pour qu'on en finisse. Et qu'enfin puisse arrêter le cynisme. Le spook me suit comme une ombre. En présent, surplombé par la haine, le regard perçant, jusqu'à ce que je termine avec elle sous une tombe, pour qu'on en finisse, ouais. Et qu'enfin puisse arrêter, ouais, le cynisme, ouais. Le ciel se fait gris de rage, un cri de larmes, l'âme s'enflamme, étrangement arme, la lame et son tranchant, dans mon esprit les questions se poussent, foutent la frousse, la monnaie se prend, la poisse passe par les trous douces par douces. Mieux vaut ici qu'ailleurs, ailleurs qu'ici aussi. Tes actes en témoignent, plus tu grandis, plus le ciel s'éloigne. Entre le bien et le mal, on oscille, tout se négocie. Puis on verra après l'autopsie. Les cicatrices ne se referment plus, comme perdu. La germe du mal prend racine, sans magazine depuis le début. Les avaries d'une vie bâclée, comme taclée. Si le paradis a des portes, je crois bien que j'ai perdu la clé. Dès que je rentre au cœur, je dors. Dès que je me lève, je sors. Je me noie sur les bords, j'entends le rire des porcs. Mon avenir me sourit à travers la serrure d'une porte. La rue te soutient comme le nœud d'une corde. Suis le mouvement et tu te retrouves à l'arrière d'une forme. Je sais pas ce que c'est d'être blanc, demande ça à Sylvain Wiltord. Trop de drames, des drôles de cam, le gros le gramme. Je me suis pas mis dans le crime pour que les chromes me crament. Qui connaît ma vie comprend mon nom. Connaît ma ville comprend mon monde. La force d'une ombre, la force d'une ombre. Remonte tes menottes car tes manches sont coupées. Vive pour mourir, qui aurait pu en douter. Je vis dans l'à-peu présent. Je cours après le temps mais le temps traîne, t'entraîne vers un destin décevant. Tout ça pour rien pour l'instant, le temps se tue, penses-tu. En grandissant l'enfant entend le grandissant, je tue. Les espoirs, les dettes, les histoires de traîtres. Les victoires et les défaites. À force d'en parler, j'en ai les yeux cernés. La haine se lit dans le regard de ceux qui sont concernés. Le spook me suit comme une ombre. Tout le temps présent. Surplombé par la haine. Le regard perçant. Jusqu'à ce que je termine avec elle sous une tombe. Pour qu'on en finisse. Et qu'enfin puisse arrêter le cynisme. Le spook me suit comme une ombre. En présent, surplombé par la haine, le regard perçant, jusqu'à ce que je termine avec elle sous une tombe, pour qu'on en finisse et qu'enfin puisse arrêter le sinistre.